Ésaïe chapitre 44. Mais maintenant, ô Jacob, mon serviteur, écoute, et toi, Israël, que j'ai élu. Ainsi a dit l'Éternel, qui t'a fait et formé dès le ventre, et qui t'aide, ne crains point, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Jésurun, que j'ai élu. Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, et des rivières sur la terre sèche, je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. Et ils germeront comme parmi l'herbage, comme les sols auprès des eaux courantes. L'un dira, je suis à l'Éternel, et l'autre se réclamera du nom de Jacob, et un autre écrira de sa main, je suis à l'Éternel, et se surnommera du nom d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, et je suis le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Et qui est celui qui est appelé comme moi, qui m'est déclaré, et ordonné cela, depuis que j'ai établi le peuple ancien? Qu'il leur déclare les choses à venir, les choses, dis-je, qui arriveront ci après. Ne soyez point effrayés, et ne soyez point troublés, ne te l'ai-je pas fait entendre et déclarer dès ce temps-là, et vous m'en êtes témoins. Y a-t-il quelque autre Dieu que moi? Certes il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Les ouvriers des images taillées ne sont tous qu'un rien, et leurs choses les plus désirables ne profitent de rien, et ils leur sont témoins qu'ils ne voient point, et ne connaissent point, afin qu'ils soient honteux. Mais qui est-ce qui a formé un dieu, et qui a fondu une image taillée, pour n'en avoir aucun profit? Voici, tous ses compagnons seront honteux, car ces ouvriers-là sont d'entre les hommes, ils seront effrayés et rendus honteux tous ensemble. Le forgeron de fer prend le ciseau, et travaille avec le charbon, il le forme avec des marteaux, il le fait à force de bras, même ayant faim, tellement qu'il n'en peut plus, et s'il ne boit point d'eau, il en est tout fatigué. Le menuisier étend sa règle, et le crayonne avec de la craie, il le fait avec des équerres, et le forme au compas, et le fait à la ressemblance d'un homme, et le pare comme un homme, afin qu'il demeure dans la maison. Il se coupe des cèdres, et prend un cyprès, ou un chêne, qu'il a laissé croître parmi les arbres de la forêt, il plante un frêne, et la pluie le fait croître. Puis il servira à l'homme pour brûler, car il en prend, et s'en chauffe, il en fait, dis-je, du feu, et en cuit du pain, il en fait aussi un dieu, et se prosterne devant lui, il en fait une image taillée, et l'adore. Il en brûle au feu une partie, et d'une autre partie il mange sa chair, laquelle il rôtit, et s'en rassasie, il s'en chauffe aussi, et il dit, « Ah, je me suis réchauffé, j'ai vu la lueur du feu. » Puis, du reste il en fait un dieu, pour être son image taillée, il l'adore et se prosterne devant lui, et lui fait sa requête, et lui dit, « Délivre-moi, car tu es mon Dieu. » Ces gens ne savaient n'entendre rien, car on leur a plâtré les yeux, afin qu'ils ne voient point, et leur cœur, afin qu'ils n'entendent point. Nul ne rentre en soi-même, et n'a ni connaissance, ni intelligence, pour dire, j'ai brûlé la moitié de ceci au feu, et même j'en ai cuit du pain sur les charbons, j'en ai rôti de la chair, et j'en ai mangé, et du reste en ferai-je une abomination? Adorerai-je une branche de bois? Il se paie de cendre, et son cœur abusé le fait égarer, et il ne délivrera point son âme, et ne dira point, ce qui est dans ma main droite, n'est-il pas une fausseté? Jacob et Israël, souviens-toi de ces choses, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, ô Israël, je ne te mettrai point en oubli. J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse, et tes péchés comme une nuée, retourne à moi, car je t'ai racheté. Aux cieux, réjouissez-vous avec chant de triomphe, car l'Éternel a opéré, lieu bas de la terre, je t'ai des cris de réjouissance, montagne, éclatez de joie avec chant de triomphe, et vous aussi, forêt, et tous les arbres qui êtes en elle, parce que l'Éternel a racheté Jacob, et s'est manifesté glorieusement en Israël. Ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur, et celui qui t'a formé dès le ventre, je suis l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul ai étendu les cieux, et qui ai par moi-même aplani la terre. Qui dissipe les signes des menteurs, qui rend insensés les devins, qui renverse l'esprit des sages, et qui fait que leur science devient une folie. C'est lui qui met en exécution, la parole de son serviteur, et qui accomplit le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras encore habité, et aux villes de Juda, vous serez rebâti, et je redresserai ces lieux déserts. Qui dit au gouffre, sois asséché, et je tarirai tes fleuves. Qui dit de Cyrus, c'est mon berger, il accomplira tout mon bon plaisir, disant même à Jérusalem, tu seras rebâti, et au temple, tu seras fondé.